Bosco, Douiman. Bonjour à vous tous, voici les grands titres de ce journal pour ce 26 août 2022. Le déploiement de la force régionale vers l'est de la République démocratique du Congo en délai de 6 mois renouvelable. Une note là-dessus a été lue ce vendredi au sénateur par le président de la Chambre basse du Parlement burundais. Libération provisoire le matin de ce vendredi de 26 détenus, dont une femme, tous de la prison de Bururi. Ces prévenus ont été libérés et dans le cadre de la mise en application de la grâce présidentielle. Et c'est en vue de désengorger les maisons de détention. Et les Burundais migrants dans les pays arabes pour y travailler signent 2 contrats différents. Vous l'entendrez dans la chronique environnement. On parlera des conséquences de l'utilisation irrationnelle des pesticides. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Rebonjour. Le président de la République se rend ce vendredi en Tunisie. Évariste Ndayishimiye doit prendre part à la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. Cette conférence est prévue ces 27 et 28 août 2022. Le déploiement de la force régionale vers l'est de la République démocratique du Congo est une des décisions déterminantes prises par la communauté de l'Afrique de l'Est. Lors de la lecture d'une note là-dessus, ce vendredi, le président du Sénat burundais a affirmé que ses forces ont un délai de 6 mois renouvelable. Suivez Emmanuel Sinzohegera, président du Sénat burundais. Plusieurs décisions ont été successivement prises au cours de ces conclaves. Surtout celui du 20 juin 2022. La décision la plus déterminante est celle du déploiement d'une force militaire régionale de la communauté est-africaine dans cette partie de la RDC. Il a été convenu que cette force soit déployée sous les auspices de la communauté est-africaine pour une période de 6 mois renouvelable avec un mandat de contenir, combattre et éradiquer les groupes terroristes et négatifs opérant dans l'est de la RDC en appui aux forces armées congolaises opérant dans cette zone et en étroite collaboration avec la MONUSCO. Les chefs d'État de la communauté est-africaine ont également déterminé le secteur de responsabilité de chaque pays tout en recommandant des contacts bilatéraux avec le gouvernement de la RDC dans la mise en œuvre de la force armée à déployer par chaque pays. C'est dans cette optique que le gouvernement du Burundi, en collaboration bilatérale avec le gouvernement de la RDC et en vertu de l'article 255 de la Constitution qui précise que dans les limites déterminées par la Constitution et les lois, seul le président de la République peut autoriser l'usage de la force armée dans l'accomplissement des obligations et engagements internationaux, a pris la décision de déployer un contingent au sud Kivu. C'était Emmanuel Sinzohagera, c'est le président du Sénat burundais. Le ministère de la Santé publique a réceptionné ce vendredi le premier lot des médicaments pour le traitement des maladies mentales de la part du consortium Memisa et c'est dans le cadre du projet Twitter Magara Meza. Ce premier lot a une valeur de plus de 110 millions de francs burundais. L'assistant du ministre de la Santé publique, Dr Nesfor Nzigirabaria, a précisé que ces médicaments sont destinés aux formations sanitaires qui traitent des maladies mentales. Suivez-le. Actuellement, on est en train de travailler quitte à ce que toutes les formations sanitaires puissent intégrer dans leurs soins les soins de santé mentale. Et donc, cela ne peut pas être applicable si on n'a pas une disponibilité de médicaments, si on n'a pas une disponibilité de prestataires, si les prestataires ne sont pas formés. Tout ça, le ministère est en train de conjuguer les efforts pour que cette intégration des soins de santé mentale soit une réalité dans nos formations sanitaires. Et nous remercions nos partenaires parce qu'ils sont en train de nous appuyer. Et cela se démontre par cette quantité de médicaments qui viennent d'être octroyés par nos partenaires de l'Union européenne et qui vont nous aider dans son sens. Et je voudrais également ici rappeler à nos confrères médecins et qui sont dans les formations sanitaires qui vont bénéficier de ces médicaments, de bien les utiliser et de bien soigner ces malades parce que ça pourra nous permettre d'améliorer leur état de santé mentale. Ce n'est pas le dernier lot de médicaments qui va venir. Ces médicaments vont nous aider parce que les malades également, on sait que les malades, il y a beaucoup de malades, mais également les psychotropes étaient un problème parce que la disponibilité, mais également ça coûte cher. Et donc cette contribution va alléger également les souffrances des malades en ce qui est du coût des médicaments. La suite de ce journal de libération provisoire le matin de ce vendredi, de 26 détenus dont une femme, tous de la prison de Bururi. Ces prévenus ont été libérés dans le but de mettre en application la mesure prise par le président de la République de désengorger les maisons de détention, selon Emmanuel Iradukunda, procureur près la cour d'appel de Bururi, qui appelle les détenus libérés à manifester un bon comportement chez eux pour ne pas retourner à la prison. Vous saurez que cette maison de détention de Bururi compte aujourd'hui 359 détenus, dont 241 prévenus et trois nourrissons, alors que sa capacité d'accueil ne devrait pas dépasser 250 personnes. Mettre en place les moyens suffisants pourrait être la stratégie efficace pour retirer définitivement les enfants de la rue. D'après le chef de la délégation de l'ONG Terre des Hommes, qui lutte pour le bien-être des enfants, Alice Gagliato précise que la pauvreté qui s'observe dans les ménages serait à l'origine de l'augmentation de ces enfants en situation de rue. On l'écoute. Il y a une stratégie de lutte contre le phénomène des enfants en situation de rue. C'est une stratégie qui a été approuvée par les gouvernements et je trouve que c'est une stratégie qui est très bien écrite. Terre des Hommes a contribué à la rédaction, c'était des consultants très préparés qui ont rédigé cette stratégie et après on a fait pas mal de tables rondes pour l'améliorer, pour la présenter, etc. Donc la stratégie elle est là et c'est une stratégie valable, même très bonne je dirais. Le souci c'est que maintenant il faut faire de manière à que la stratégie soit opérationnelle. Donc il faut trouver les ressources et pour trouver les ressources pour la mettre en place, il faut se coordonner tous ensemble les partenaires techniques et financiers, les partenaires au développement et les autorités publiques. Il faut vraiment faire un effort de coordination, se mettre tous ensemble, voir qui peut faire quoi de cette stratégie-là et essayer de trouver voilà, une manière de la rendre opérationnelle. Mais le deuxième pas, c'est de voir exactement qui fait quoi dans cette stratégie et qui a l'argent pour réaliser quelle partie de la stratégie. Et là, Terre des Hommes peut amener sa contribution à cette stratégie. Mais il faut avoir une idée claire et partagée avec tous les acteurs qui fait quoi. Si les enfants sont bien chez eux, dans leur famille, ils n'auraient aucune envie de partir et venir ici à Bujumbura vivre dans la misère, parce que les enfants en situation de rue vivent dans la misère. Et comme je disais, il faut aider les familles à ne pas avoir besoin d'envoyer leurs enfants mendier. Ça, d'ailleurs, c'est un crime, parce que c'est puni par la loi au Burundi, celui d'utiliser des enfants pour mendier. Donc là, c'est plutôt la loi. C'est un problème qui relève de la police. Ce que nous, on peut faire, c'est essayer d'aider les familles pour qu'ils n'ont pas besoin d'envoyer leurs enfants mendier dans la rue. Mais c'est un problème économique, hein, là, vous voyez, il y a l'inflation qui augmente, tous les prix de la farine, du lait et tout ça, ça augmente, les carburants laissent tomber. C'est clair que là, il y a un problème économique, donc les familles doivent être aidées, parce que s'ils n'arrivent pas à donner à manger à tous leurs enfants, il y aura des enfants qui vont partir, des enfants qui vont être envoyés mendier. Justement, c'est sur ça qu'il faut intervenir, dans la protection des familles et du coup la protection de l'enfant. Alice Gagliato, chef de délégation de l'ONG Terre des Hommes, dont les propos ont été recueillis par Jean-Marie Vianney Ngendakumana. Il est 13h06 à Bujumbura et sur Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Les Burundaises migrant dans les pays arabes pour y travailler signent deux contrats différents. Celles qui concluent des contrats avec les chefs de ménage perçoivent un salaire moyen Dans le cas contraire, elles désertent ce travail pour rester libres. Et celles de Rumonge qui se sont confiées à notre rédaction trouvent que les travailleuses indépendantes sont les mieux payées que les contractuelles. Elles souhaitent que le contenu du Code du travail fasse partie des conventions signées entre le Burundi et ses pays arabes. Omer Ndouayo. Ces femmes pensent qu'avoir un employeur est synonyme d'établissement d'un contrat de travail, alors qu'il n'est pas consigné nulle part. Au cas de mésentente entre le patron et la travailleuse, certains des employés préfèrent rester libres. Celles qui ont vécu dans ces pays du Golfe appellent ce phénomène la vie dans la rue. C'est parce qu'elles sont maltraitées dans les ménages. Elles préfèrent abandonner le travail pour être indépendantes. Elles se désertent au travail parce qu'elles font beaucoup d'activités pour un petit salaire. Celles qui ont des contrats perçoivent 800 rials, mais si tu es libre, tu peux gagner 1500 par jour. Pour elles, les accords d'échange d'employés devraient tenir compte de la dignité des travailleuses. Les Burundaises qui vont dans les pays arabes touchent le salaire qui oscille entre 70 et 120 dollars par mois, équivalent à une somme comprise entre 200 et 500 000 francs burundais par mois. Omer Ndouayo, quelques nouvelles brèves nationales et internationales avant la chronique environnement sur les conséquences de l'utilisation irrationnelle des pesticides. Un corps d'une femme nommée Asteri Miburo de la colline Mivo en commune et province Ngozi a été retrouvé dans le marais de la rivière Nyakijima 2. Selon des sources policières, cette femme a été tuée, décapitée par des personnes jusqu'ici inconnues. Ses voisins indiquent qu'Astéry serait victime d'un conflit foncier. Samedi dernier, elle avait procédé à la levée de deuil définitive de son époux. La police dit avoir entamé des enquêtes pour tenter de mettre la main sur les auteurs de ce forfait. En international, en Angola, l'OMPLA a remporté les élections générales, du moins d'après les résultats provisoires. La Commission nationale électorale a donné ce jeudi soir ses derniers résultats provisoires. Il s'appuie sur plus de 97% des votes. Et pour la première fois depuis l'indépendance, l'OMPLA l'emporte avec une courte majorité, 51,7% des votes, ce qui lui permet d'avoir 124 députés. L'unité avec 44,5% des votes dispose de 90 députés au Parlement. Les six autres formations politiques se partagent les miettes. Pour quatre d'entre elles, le résultat ne leur permet même pas d'obtenir un député à l'Assemblée. Les députés éliront ensuite le président de la République. Et au premier jour de sa visite officielle en Algérie, c'était hier, Emmanuel Macron s'est longuement entretenu avec Abdelmajid Tebboune. À l'issue de ces échanges, les deux présidents ont prononcé une déclaration au palais El Mouradia et se sont efforcés de montrer leur volonté de relancer le partenariat entre la France et l'Algérie. Mais pour Emmanuel Macron, cette visite a surtout permis une avancée dans le domaine mémoriel. Emmanuel Macron a en effet annoncé l'établissement d'une commission mixte d'historiens algériens et français pour étudier les archives sur la colonisation et la guerre d'Algérie. Radio Isanganiro, chronique environnement. L'utilisation irrationnelle de pesticides a un impact négatif sur la santé humaine puisqu'elle peut provoquer des maux de tête et du cancer chez les humains. L'autre inconvénient sur l'environnement est par exemple la mort des abeilles. Explication du spécialiste en pesticides, Dr Ferdinand Dikuliayo. Il précise qu'après la pulvérisation, on retrouve facilement les molécules de ces pesticides dans l'eau de la localité pulvérisée. Selon lui, le pire est que le vent peut les emporter vers d'autres endroits. Vestine Voutoy. Lors de la récente chronique, nous avons parlé de l'importance des pesticides. Cependant, aujourd'hui, l'expert en pesticides et professeur à l'Université du Burundi énumère les inconvénients liés à l'utilisation abusive de ces produits. D'abord, sur la santé humaine, Dr Andekouya donne l'exemple des maux de tête et du cancer. Il y a beaucoup de publications de recherches scientifiques qui se font ici et là et qui ont montré que Les pesticides peuvent provoquer, par exemple, l'irritation de la peau et des yeux, des maux de tête, des vertiges, des nausées. Ça, c'est à court terme. Mais à long terme, les mêmes pesticides peuvent aussi être à l'origine de beaucoup de cancers, d'asthme, mais aussi de la stérilité, mais aussi de diabète, et ainsi de suite. Ensuite, sur l'environnement, ce biochimiste déplore la menace de la biodiversité, y compris la mort des abeilles et poissons. Et au niveau de l'environnement, on a déjà noté la mort des abeilles, des oiseaux, du bétail, des poissons, des micro-organismes du sol qui sont utiles pour la bonne croissance des plantes, et ainsi de suite. Selon Dr. Ferdinand Dikuyayo, les moyens de contamination avec ces pesticides sont multiples, entre autres le toucher et la consommation des fruits pulvérisés, sans toutefois être bien lavé. Les pesticides, en fait, n'ont pas de frontières. Là, je parle à partir des recherches qui ont été faites. On a trouvé que de l'eau de boisson peut être contaminée avec des molécules de ces pesticides-là. Mais aussi, on est exposé aux pesticides par inhalation, donc lorsqu'on respire de l'air libre ou lors de la pulvérisation des pesticides. Donc, ils peuvent être répandus au niveau de la plaine de Limbo. Mais quand le vent vient, il va les transporter jusqu'en ville. Donc tout le monde est exposé. Et autre chose, c'est au niveau de la manipulation par les vendeurs et les acheteurs. On a constaté sur le terrain que les vendeurs ne se protègent pas. Ils sont exposés. Et même chose que les acheteurs. Un autre moyen d'exposition, c'est au niveau des aliments. Lorsqu'on mange des aliments qui sont mal lavés, on est aussi exposé à des pesticides. Pour faire face aux conséquences qui découlent de l'utilisation irrationnelle des pesticides, le biochimiste et spécialiste en pesticides, Dr. Ferdinand Dikuyayo, recommande d'abord d'inventorier ces produits en cours d'utilisation au Burundi pour enfin identifier leur profil de toxicité. Il y a plusieurs solutions. La première, c'est de connaître d'abord les pesticides en usage au Burundi. Je dis cela parce que j'ai constaté qu'il y a des pesticides qui sont homologués, donc qui sont... mais il y en a d'autres pesticides qui entrent en clandestinité et aussi déterminer leur profil de toxicité. En deuxième lieu, il faut procéder à la sensibilisation de tous les intervenants. Là, je vais citer les décideurs, les vendeurs, comme les usagers, sur la toxicité et l'utilisation rationnelle des pesticides dangereux utilisés au Burundi, parce qu'il y en a. Les recherches faites montrent que les plus exposés sont des habitants des pays en voie de développement, y compris ceux du Burundi. Merci Vestine Boutoy pour cette chronique environnement. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Également, merci à Eric Ouimana qui a repris la relève de l'autre côté de la baie vitrée au micro Jean Bosco Ouimana. Passez un très bon après-midi. Au revoir.